France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur, Oscar du meilleur scénario original. Billy Wilder fait un tabac en 1961 avec un film tendre et en même temps cynique sur la drôle de façon qu'a un petit employé d'une grande compagnie d'assurance de s'assurer une promotion dans l'entreprise en prêtant son appartement en guise de garçonnière à ses patrons pour leurs aventures extramaritales. C'est l'époque à Broadway de comédies musicales qui explorent le milieu de l'entreprise et avec humour les mille et une façons de réussir sa carrière. Il y a eu « Comment réussir dans les affaires sans vraiment essayer » de Frank Loesser qui montre comment le jeune laveur de carreaux d'une multinationale réussit à devenir son PDG. Il y a eu « I can't get it for you, wholesale » qui révèle Barbra Streisand. Avec le film de Billy Wilder, le producteur de Broadway, David Merrick, pense avoir trouvé le bon scénario pour son futur spectacle et fait appel à un compositeur faiseur de tubes qui brille au firmament grâce aux chansons qu'il compose pour Dionne Warwick. Burt Bacharach signe sa première comédie musicale à Broadway. Ce matin, alors que nous sommes en plein Festival de Cannes et alors que Burt Bacharach fêtait hier ses 90 ans, je vous propose de découvrir ce film génial devenu comédie musicale punchy qui restera 4 années à l'affiche et quelques autres films aussi transformés en comédie musicale. Mais auparavant, un hommage. On a appris cette semaine la disparition de Morane, révélée en France dans Starmania, mais aussi la semaine dernière, celle de Rose Lawrence. Cette chanteuse n'avait pas seulement créé Africa, qui a longtemps trôné en tête du top 50. Rose Lawrence a surtout créé une des chansons les plus chantées aujourd'hui à travers le monde. Les Américains et les Anglais la connaissent sous le nom de « I Dreamed a Dream ». Cette chanson a révélé Suzanne Boyle. Mais c'est Rose Lawrence qui l'avait créée, sur scène et sur disque, puisqu'elle incarna la première Fantine à la création de la comédie musicale « Les Misérables » de Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil, qui avait créé cette chanson pour ce spectacle. Nous avions reçu Rose Lawrence il y a 3 ans et demi lors d'un cabaret 42e rue consacré au compositeur Claude-Michel Schoenberg. Elle était accompagnée au piano par Patrick Laviosa. Juste après, vous l'entendrez raconter la genèse de « J'avais rêvé d'une autre vie ». J'avais rêvé d'un cœur si grand que le mien puisse y trouver place. Mais mon premier prince charmant fut l'assassin de mon enfance. J'ai payé la rançon d'un petit bonheur à une société qui désarme. La victime et pas le voleur. J'avais rêvé d'un seul amour durant jusqu'à la fin du monde, dont on ne fait jamais le tour, aussi vrai que la terre est ronde. J'avais rêvé d'une autre vie. As tué mes rêves. À peine commencé, elle finit comme un court printemps qui s'achève. Ooh. venez nous rejoindre à la table, Rose Laurence, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous vous rappelez du jour où vous l'avez découvert, cette chanson, pour la première fois? Écoutez, je me souviens de tout comme si c'était hier, parce que pour moi, c'est un souvenir jusqu'à mon dernier jour. C'est la première fois que je mettais les pieds sur scène avec 80 ou 100 musiciens tous les soirs en direct. Enfin, c'était absolument extraordinaire et je me souviens que je suis allée chez Claude Michel et qu'il m'a fait écouter « J'avais rêvé d'une autre vie et l'air de la misère ». Et là, j'étais tellement émue, sauf que le problème, alors je savais que j'étais prise pour l'album, mais encore fallait-il être acceptée pour faire la scène du Palais des Sports. Et une fois que j'ai chanté ces chansons, je me suis dit, non mais personne d'autre que moi ne les aura, donc je suis allée envers et contre tout me présenter à l'audition de Robert Hossein. Et puis... Il y a des petits miracles hein, dans une vie. Où je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais plus ce que j'ai chanté. Ça a duré 3 secondes et demie. Il a hurlé, c'est elle, elle sera Fantine. Je te savais déjà. Je savais ton prénom, ton aura, ton éclat, ta lumière. Je te savais. Je savais de toujours que ce jour me mènerait jusqu'à toi, Dulcinea, perle d'or sur champ d'amour, toi, Dulcinea. Je jure de brûler que de toi, Dulcinea, Dulcinea. Oh non, ne t'en va pas, laisse-moi contempler du regard l'ombre chère de tes pas. Oh non, ne t'en va pas, tu n'es plus une image, un mirage, un nuage, tu es là, Dulcinea, Dulcinea, laisse-moi servir ta gloire, ma Dulcinea, par ma voix pour toujours ton nom entrera dans l'histoire, Dulcinea, que de toi, Dulcinea, Dulcinea, Dulcinea, Dulcinea, laisse-moi servir ta gloire, ma Dulcinea, par ma voix pour toujours ton nom entrera dans l'histoire, Dulcinea. À Cannes, samedi prochain, on frémira aussi lors de la naissance si attendue du Don Quichotte de Terry Gilliam. Projet maudit à qui Jean Rochefort avait au départ prêté sa carcasse en l'an 2000 avant que des problèmes diluviens ne s'amassent sur le film en plein tournage. Et il y a 50 ans, c'est Jacques Brel qui incarnait le héros dans une comédie musicale de Broadway qu'il avait entièrement adaptée en français, L'Homme de la Mancha, une chanson de démence déjà où le pauvre homme qui s'imagine chevalier de grand chemin voit en une pauvre aubergiste une délicate princesse qu'il nomme Dulcinea. On parle de Cannes ce matin sur la 42e rue de France Musique. Avant d'entrer dans la garçonnière de Billy Wilder, façon comédie musicale par Burt Bacharach, voici un autre exemple réussi de transformation de film sur scène. Car aujourd'hui, c'est vrai, les films sont vraiment la matière première des auteurs de comédie musicale. Pretty Woman arrive bientôt à Broadway. Il y a eu The Bodyguard. 8 ennemis de Fellini est devenu 9 sous la patte de Maury Easton, sans compter les dessins animés de Anastasia à la Reine des Neiges qui vient d'ouvrir et dont nous vous parlerons bientôt lors de notre traditionnel mois à Broadway. Il y a eu Rocky aussi avec un ring géant posé en plein milieu du Winter Garden Theater. Ou encore l'an dernier, le très réussi Jour sans fin. Un jour sans fin, c'est l'histoire, rappelez-vous, de ce présentateur de la météo, coincé dans un petit village de l'Amérique profonde pour la fête de la marmotte et qui chaque jour à son hôtel se réveille le même jour. Sur scène, le spectacle impressionnant a utilisé tous les artifices du théâtre, des marionnettes de marmottes géantes, des lits escamotables, des baignoires où le héros tente de se suicider, avec aussi des raccourcis, comme ce moment jouissif où le héros, complètement déprimé de revivre chaque jour le même jour, va voir tous les médecins possibles et psy imaginables. Une chanson satirique intitulée « Stuck », coincé en français, c'est Andy Karl qui reprenait le rôle créé au cinéma par Bill Murray. I have a degree. That's nice. In alternative therapy. Okay. Took an online course for a week or two. Maybe we should. I think we should begin with a nice bit of Reiki. Reiki. Unblock your chi. What's chi? It's doobie doobie tra la la. It's holistic therapy. What does that mean? It's energy, vibrations and something magnets and doobie diddly pom pom pom. Now piss. What? Piss. I just piss into this. I don't have. I'll analyze your isotopes and something. Something quantum, quantum. I'm stuck, I'm just. I think you're allergic to gluten. Stuck, I'm. It's like I feel like I'm trapped in a loop. Like I'm unstuck in well, time. Well, I think cutting out gluten I'm is the smartest solution. Fine. Better a diet of soup. Soup? Made of rhino foreskin. I think I've lost my mind. How about I can't seem to find my way out of. An enema. What? Would you like an enema? Existentially, I'm. Essential oils. Essentially, I'm. Organic teas. Enemas with friends like I don't even know if I believe what I'm saying. This guy is clearly nuts, but he is desperate and he's paying. Statistically, he might as well be sitting home and praying for all the good that I can do. I don't have a freaking clue what I'm doing, though there are things that we just don't know. It doesn't mean you shouldn't give giving an answer a go. I'm not sure how this will help. Just want to get to the bottom of it. I'm stuck. I'm just stuck. I have a PhD. Finally. In psychiatric pharmacology. I specialize in mental illness. Good. In cows. What? Let's treat your depression with a course of fluoxetol. I'm not depressed. You're not? No. You must be delusional. So take some acepromazine and a couple of cocapramine. And quietly I'd advise you to try this tranquilizer. Although maybe you should just take half. Okay. It says whole ones for cows. I'm not a. And half for calves. Right. I don't even know if I believe what I'm saying. This guy is clearly nuts, but he is desperate and he's praying. Statistically, he might as well be sitting home and praying for all the good that I can do. I don't have a freaking clue. In my medicine cupboard, there's a bunch of L1 Hubbard. There are only 12 steps and they shouldn't take long. We just need a sample of your stool and your semen. You have Satan within you, we must exercise your demons. Take this pill. Read this book. Eat your vegetables uncooked. It's your karma. It's just toxins. It's for constipated oxens. Well, that ought to loosen you up. I am stuck. Fuck, okay. I don't even know. One, I'm still sleeping. And this, I'm just dreaming. And two, it's a prank. And everyone's in on it. Three, it's a flashback from when I was 20. And ate magic mushrooms and thought I was Aquaman. Four, it's some kind of reality show. Five, it's amnesia. Six, it's a stroke. You just got to open your mind. I think I am losing time. $500. What the f- A check is fine. Fine. Karma. Toxin. to remember when, 'cause everything old is new again. I said everything old is new again. And Sinatra, Long Island, jazz age parties. Waiter, let me have some more Bacardis. Let's order now what they ordered then. 'Cause everything old is new again. Get out your white suit, your tennis scoop, shoes and tail. Scoop, let's go scoop, back for when forward fail. Stretch. Movie stars that you thought no long dead. Look now on frame beside your bed. Don't throw the past away. You might need it some rainy day. Dreams can come true again. Bye. When everything old is new again. Everything old is new again. Trois comédies musicales ont remporté la précieuse Palme d'Or à Cannes. Enfin, peut-on le dire ainsi? Il s'agissait plutôt de trois tragédies musicales. En 1964, Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy. En 2000, Dancer in the Dark avec Björk. Et puis en 1980, la géniale et déprimante autobiographie de Bob Fosse, All That Jazz, une comédie musicale cynique au possible. Autour d'un metteur en scène au bout du rouleau et à l'hôpital où rose et noir se mêlent allègrement. C'était l'un des numéros, l'une des maîtresses du metteur en scène sur son lit d'hôpital, interprété par Anne Reinking, qui dansait pour lui avec un chapeau sur la tête et en collant Everything Old is New Again de Peter Allen. 42e rue, Laurent Vallière, France Musique. Place maintenant à ce magnifique film de Billy Wilder. C'était son 18e après Sunset Boulevard, également adapté depuis en comédie musicale. Juste après Certain Lame Show avec Marilyn Monroe et Tony Curtis en 59, il réalise et écrit La Garçonnière, histoire grinçante d'un jeune employé d'assurance prêt à tout pour s'assurer une promotion dans l'entreprise. Et une musique initiale pour le film de Adolph Deutsch, très jazzy. Thank you. pour adapter La Garçonnière de Billy Wilder en comédie musicale, on fait appel à un compositeur pop chevronné et classe, Burt Bacharach. 90 ans hier, Thierry Jousse fêtait son anniversaire hier sur France Musique dans son émission Ciné Tempo. Burt Bacharach qui, dès l'ouverture, impose son style. Ce n'est pas la première incursion de Burt Bacharach dans la comédie musicale. Ce compositeur qui a étudié avec Darius Milhaud à Paris, s'est dirigé vers la musique pop car il voulait pouvoir vivre de son art, a connu dans les années 60 un succès impressionnant avec son parolier Al David. Ils ont lancé la carrière de Dionne Warwick en lui écrivant des morceaux aussi formidables que Walk On By, I Say A Little Prayer, Do You Know The Way To San Jose. Les années 60 sont ses années, il commence à écrire des chansons pour des films comme What's New Pussycat. Et la comédie musicale vient naturellement. Dès 66, il écrit une comédie musicale pour la télévision, un téléfilm autour d'une vedette de la musique dans le creux de la vague. Ça s'intitule Flipside et l'un des titres interprétés par le jeune héros connaît une jolie carrière. Il ne donne pas de médaille au héros d'hier, Ricky Nelson. They don't give a medal to yesterday's heroes. Yesterday's over, and I've got to live for today. I'm going places, and nothing can stand in my way. Yesterday is over. No, they don't give medals to yesterday's heroes. I know my way now, I'll never look back from this day on. I mean to borrow one day from tomorrow, and I'm gonna spend it on sunshine and things that I love. I'm gonna reach out and touch every star up above. Yesterday is over. No, they don't give medals to yesterday's heroes. So wrap up that loving cup. I'm a winner from this day on. Yesterday is over. Can't you see it's over and I begin living today? C'est le producteur David Merrick qui contacte Burt Bacharach pour adapter le film de Billy Wilder, La Garçonnière, en comédie musicale. Il le convainc en expliquant qu'il faut que le théâtre de Broadway ouvre ses portes aux nouveaux auteurs qui puissent exercer leur talent. Il faut ouvrir les fenêtres, lui dit-il. Alors Burt Bacharach, aujourd'hui 90 ans, a beau raconter à longueur d'interview qu'il rêve de créer d'autres comédies musicales, ce n'est pas vraiment ce qu'il écrit dans son autobiographie. Il raconte plutôt le chemin de croix que ce fut pour lui, l'engagement que ça lui a demandé. Parce qu'une comédie musicale, ça n'a rien à voir avec l'écriture d'une chanson sur des paroles d'un collaborateur, puis l'enregistrement d'un disque et la promotion sur 6 semaines. Non, la comédie musicale exige une présence régulière, d'abord pour aboutir à des premières chansons, puis pendant les répétitions à New York, dans un studio, durant 6 semaines, puis lors des représentations test à Boston, durant plusieurs semaines, où on n'arrête pas de changer, de travailler, d'écrire de nouvelles chansons. Pour adapter La Garçonnière, on fait réécrire le scénario de Billy Wilder par le dramaturge Neil Simon. Au début du spectacle, le héros Chuck Baxter, qui est aussi le narrateur permanent sur scène, a droit à deux titres qui plantent sa personnalité et montrent son ambition de gravir les échelons au sein de cette société d'assurance. Et il raconte comment, dans la seconde chanson, comment une petite garçonnière, upstairs, là-haut, qu'il prête à ses supérieurs, peut l'aider grandement. Billy Wilder avait écrit le rôle sur mesure pour Jack Lemmon dans le film. Dans la comédie musicale, c'est Jerry Orbach qui incarne Chuck Baxter. Did you ever stop, really stop and take a look, a really good look at yourself? I just took a peek, really peek, to tell the truth. Through my eyes, I don't look so good to myself. Half as big as life, that's me, but that's not the way I always mean to be. And I'm 10 feet tall, 10 feet tall. I know that inside of myself there's a man, the kind of man you would like if you were just willing to look. I've got lots of dreams and my dreams will take me far, very far. A cover is not the whole book. See how wrong they are someday. Half as big as life, that's small, but I wasn't born to be looked at as 5 feet tall. No, not me. I want a lot and I know that I'll get it all. Just like someone who's twice. Looking out on the street, for $86.50 a month it's mine. It may not be much, but it's mine. You just go upstairs, two flights up, comfortable and complete. For everyday living it works out fine. It may not be much, but it's mine. Except on Wednesday nights, it's walk, don't run. I just kill time till Mr. Kirkaby's done with his Wednesday night fun. Outside of that, the place is mine. Upstairs, two flights up, looking out on the street. For $86.50 a month, it's mine. It may not be much, but it's mine. You just go upstairs, two flights up. After you wipe your feet, look under the mat and you'll find the key. A key that belongs to just me. Except on Thursday night, I must confess, come rain or shine, it's Eichelberger's address. Must he leave such a mess? Outside of that, the place is mine. La Garçonnière, le film de Billy Wilder transformé en comédie musicale par Burt Bacharach, c'est ce matin sur la grande affiche de la 42e rue sur France Musique. Le supérieur de Chuck Baxter, J.D. Sheldrake, chef du personnel, vient de comprendre pourquoi les sous-chefs de ce petit employé lui donnent autant de bonnes notes. Il vient de découvrir sa garçonnière et demande à en avoir le bénéfice exclusif. Ça sera notre petit secret. C'est le thème de la chanson suivante, interprétée par Edward Winter et Jerry Orbach. Et juste ensuite, nous entendrons le cœur des autres utilisateurs bien ennuyés dans un numéro intitulé « Où pouvons-nous emmener notre petit ami ?» It's our little secret, little secret, little secret. I'm gonna buy me a hat and keep our secret under that. It's our little secret, little secret, little secret. I'll even stop counting sheep to prove I don't talk when I sleep. We've got a little plot that we can tell just one another. There isn't anyone that we can trust except each other. That's why we'll never tell a soul what it's all about. They'll never get a chance to find out. There'll be questions I won't answer. There'll be gossip. Let them gossip. We don't care. Just put your trust in me. It's our little secret, and I'll keep it locked inside me. 'Cause it's no one else's business but our own. Anyhow, yes, it's no one else's business but our own. Anyhow, our little secret, oh yes, it's yours and mine. Our little secret, for now and all the time, we'll stick together, 'cause we've got our little secret now. Where can you, if you're a man, take a girl if she's a girl that you can't ever take home for a little drink, like other guys who live alone can do? That is the reason why most married men are true, aside from hotels. Where can you on Tuesday night take a girl who's out of sight that you can't ever take home for a little fun? Chase her around the room until you win. That is the reason why most single men stay thin, aside from motels. Where can you, if you're alone, take a girl who's on her own that you can't ever take home on your one night out? One night to be a man and not a mouse. Most married men play cards, most single men play house. We'd like to play house too. All we need is one place, a small apartment, a truck or a trailer, old or new. Oh, there must be some place, a baby carriage, a kiddie car will do. We are in crowd. Where can you take a girl that you just can't take home? Like to see that you can't ever take home on a weekday night. Put on some records and then go berserk. Most single men we know work hardest after work, aside from rowboats. Where can you, a man that's true, take a girl gets to you that you can't ever take home for a little whirl? Dance her around so fast she starts to shout. Most married men play cards, most single men make out. We'd like to make out too. All we need is one place, for 60 minutes or 40 minutes, more or less. Oh, there must be some place, in 20 minutes we'll find happiness. We'd second if asked. In fact, we always are, aside from rooftops. Where can you, if you are free, take a girl you'd like to see that you can't ever take home? What's I like to do? What to go home to? Pour composer Promises, Promises, l'adaptation de La Garçonnière en comédie musicale, Burt Bacharach s'associe à son parolier de toujours, Al David. Et pour Fran Kubelik, la petite amie extra-conjugale du patron des ressources humaines, qui est aussi celle qu'aime en secret celui qui prête sa garçonnière. C'est une préposée aux ascenseurs de la multinationale dans le film de Billy Wilder et elle est serveuse à la cafétéria dans la comédie musicale. Il compose des chansons tendres et parfois simples. Trop simple, pense même Burt Bacharach. Il s'est formé en France à la musique auprès de Darius Milhaud. À l'époque, il écrivait de la musique sérieuse tout le temps, raconte-t-il, la musique classique contemporaine, plus ou moins dissonante. Et le jour où dans son coin il compose une musique un petit peu plus mélodique, Darius Milhaud le rassure. C'est une très bonne mélodie. N'ayez jamais honte de quelque chose que les gens peuvent siffloter ou se rappeler ou qui leur fait du bien et dont ils se souviendront souvent. Quelques années plus tard, Burt Bacharach aura à nouveau un peu honte d'un morceau qu'il écrit en quelques heures à l'hôpital, atteint de pneumonie à Boston, alors que La Garçonnière en comédie musicale est toujours en cours de fabrication. Mais dit-il, dans le spectacle, la jeune fille, Fran Kubelik, à bout de nerfs, face à la liaison ratée avec le patron de la boîte, vient de tenter de se suicider. Et je savais que la fille était limitée dans ce qu'elle pourrait chanter et jouer à la guitare. Donc, ouais, ça marchait avec la situation. Une chanson plutôt simple, dit-il. What do you get when you fall in love? A guy with a pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a guy? You get enough germs to catch pneumonia. After you do, he'll never phone ya. I'll never fall in love again. Fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that's shattered. I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Don't tell me what it's all about, 'cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain. Sorrow, so for at least until tomorrow, I'll never fall in love again. I'll never fall in love again. Again. open is good. Knowing when to leave may be the smartest thing that anyone can learn. Go. I'm afraid my heart isn't very smart. Fly while you still have your wings. Knowing when to leave won't ever let you reach the point of no return. Have my dreams. So I keep hoping day after day as I wait for the man I need. Night after night as I wish for a love that can be. Though I'm sure that no one can tell where their wishes and hopes will lead, somehow I feel there is happiness just waiting there for me. When someone walks in your life, you'll just better be sure he's right. Like a fool, I don't know Knowing When to Leave. En 1969 à Londres, c'est Betty Buckley qui a incarné le rôle de Fran Kubelik. Et juste auparavant, Christine Chenoweth et Sean Haynes, I'll Never Fall in Love Again. C'était la reprise, la recréation de Promises, Promises en 2010 à Broadway. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. En 1968, La Garçonnière, c'était la première expérience donc de Burt Bacharach à Broadway. Et l'une de ses grandes difficultés sera de ne pas maîtriser le son qui sortait chaque soir, parce qu'il n'était pas le chef d'orchestre. Andrew Lloyd Webber et Tim Rice, les auteurs de Jésus-Christ Superstar, ont dit un jour que cette comédie musicale, Promises, Promises, avait changé la façon dont les comédies musicales étaient écrites. En fait, pour obtenir chaque soir un son qui rappelle celui de ses enregistrements sonores, parfois acidulé, Burt Bacharach fait appel à son ami et producteur Phil Ramone. Lorsqu'ils arrivent au Schubert Theater pour les premières répétitions, ils sont effrayés parce que le son est totalement plat. Alors qu'est-ce qu'ils décident ? Eh bien, les filles qui chantent dans le chœur ne seront pas sur scène, mais dans la fosse d'orchestre. Et Phil Ramone décide de couvrir les murs, les sols, les plafonds de cette fosse d'orchestre avec du matériel d'isolation acoustique et place 17 micros. Il va chaque soir récupérer ce son et le faire passer à travers une chambre d'écho en installant une régie dans la salle pour pouvoir mixer en direct les 11 pistes du spectacle. Voilà, la fosse d'orchestre devient quasiment un studio d'enregistrement. Et pour que le public ne croie pas que toute la musique est enregistrée, justement, tellement il est propre, le producteur David Merrick demande néanmoins que tout soit bien visible. Exemple, eh bien le numéro qui clôt le premier acte, une fête de Noël dans cette compagnie d'assurance où Chuck, le héros, découvre que celle pour qui il a le béguin, Fran, est aussi celle que son patron ramène chaque soir dans sa maison. Turkey Lockey Time. It's Turkey Lockey Time. Tom Turkey ran away, but he just came home. It's Turkey Lockey Time. He's really home to stay, never more to roam. Let us make a wish. Thank you. Et sur la page de 42e rue sur francemusique.fr, vous pouvez voir la chorégraphie de l'époque de ce numéro Turkey Lucky Time en vidéo avec notamment Donna McKechnie. Alors l'histoire des comédies musicales, on le sait, est pavée de chansons créées et passées à la poubelle. C'est le cas pour l'adaptation de La Garçonnière en comédie musicale. La plus remarquable, mais peut-être un peu trop lente en tempo, s'intitulait Tick Tock Goes the Clock. Elle fut remplacée par celle qu'on vient d'entendre, qui était un grand numéro festif sur scène. Mais cette première chanson, eh bien, on l'a en enregistrement, une cassette démo, où on a la chance d'entendre la voix de Bob Baccarat qui interprète un peu les parties cuivrées et est aussi au piano, accompagné par les chanteuses Rose Marie June et Leslie Miller. Fingers, it's slipping away. Right through our fingers, it's slipping away. Right through our fingers, it's slipping away. Going out with married men may seem as if we've gone too far. On disait toujours que les mélodies de Burt Bacharach étaient très simples. C'était pas la vie de Jerry Orbach qui a créé sur scène le rôle de Chet dans cette comédie musicale qui adaptait La Garçonnière de Billy Wilder et qui a été plutôt critique envers le compositeur sur la toute dernière chanson du spectacle qui n'arrêtait pas, dit-il, de changer de rythme. Ce à quoi Bacharach lui répondait qu'il n'avait fait qu'épouser les émotions du jeune employé à la fin du film et du spectacle qui n'en peut plus des promesses et des promesses de ses supérieurs en échange du prêt de sa garçonnière. D'où le titre étrange de cette comédie musicale à Broadway, qui n'a rien à voir avec le titre du film de Billy Wilder, Promises, Promises, qu'on pourrait traduire en français par Parole, Parole. Promises, promises, I'm all through with promises, promises now. I don't know how I got the nerve to walk out. If I shout, remember, I feel free. Those promises promises, promises end. I won't pretend that what was wrong can be right. Every night I'll sleep now, no more lies. Things that I promised myself fell apart, but I found my heart. Oh, promises, they're kind of promises, take all the joy from life. Oh, promises, those kind of promises can just destroy your life. Oh, promises, promises, my kind of promises lead to joy and hope and love. Yes, love. Bon anniversaire, Burt Bacharach. Si vous voulez plonger plus encore dans la carrière de ce compositeur qui fêtait hier ses 90 ans, je vous conseille d'écouter ou de podcaster l'émission que lui a consacrée Thierry Jousse hier à 13h sur France Musique, dans son émission consacrée au cinéma, Ciné Tempo. C'est à retrouver sur francemusique.fr. Quant à La Garçonnière, la comédie musicale reste inédite en France. Par contre, c'est son adaptation en pièce de théâtre qui est l'un des succès de la saison à Paris, et vous pourrez la voir le 28 mai prochain sur France 2, avant la cérémonie des Molières. Dans l'actualité des comédies musicales, si vous habitez Paris, les 17 et 18 mai, au Duc des Lombards, je vous conseille deux concerts du pianiste, chanteur, comédien, danseur de claquettes, Marc Nadler, autour du Great American Songbook. Et puis depuis vendredi, c'est le retour de Michel Faux avec sa pièce de théâtre musicale drôle et ambiguë, Névrotique Hôtel, écrite par Christian Siméon, à qui on devait le très beau cabaret des Hommes Perdus. Michel Faux se transforme encore une fois sur scène, eh bien, non pas en diva, mais en une vieille dame dévastée par la vie, qui vient seul se reposer dans un hôtel en bord de mer et propose à un joli groom agaçant un étrange pacte. C'est musical, c'est construit à partir de chansons notamment inédites de Michel Rivegauche. C'est à découvrir jusqu'au 27 mai au Théâtre des Bouffes du Nord. En voici un petit extrait chanté, Michel Faux, Antoine Kahan dans le rôle du groom qui a un faux air de Spirou. Ouverte. Oh, la mer. Les grandes marées. La mer, s'il n'y avait pas les vagues, ça ne serait pas la mer, ça serait de l'eau dans un terrain vague. La mer, c'est un peu comme l'amour, car l'amour et la mer, ça fait toujours des vagues, et à moins qu'on divague, on chanterait pas la mer s'il y avait pas les vagues. Mais si vous, vous êtes né à la mer, eh bien, vous êtes un enfant de la mer. Comme il y a des enfants de la balle. Et du coup, la mer devient votre mère. Et si votre mère est née à la mer, votre mère est une enfant de la mer. Comme il y a des enfants de l'amour. Et la mère devient votre grand-mère. Mais si votre grand-mère est née à la mer, une grand-mère est une enfant de la mer. Comme il y a des enfants de salauds. Oh, et la mère devient votre arrière-grand-mère. Les problèmes en mer sont en mer, en mer. Attention, pas de mots vulgaires. Sont en mer dans le cas précis de l'arbre généalogique. Mais sans vous faire de peine, il faut être logique. Et à moins qu'on divague, on chanterait pas la mer s'il y avait pas les vagues. La mer, s'il y avait pas les vagues, ça ne serait pas la mer, ça serait de l'eau dans un terrain vague. La mer, c'est un peu comme l'amour, car l'amour et la mer, ça fait toujours des vagues. Et à moins qu'on divague, on chanterait pas la mer s'il y avait pas les vagues. S'il y avait pas les vagues. Névrotique Hôtel, à découvrir au Bouffe du Nord avec Michel Faux. Vous pouvez podcaster 42e rue, direction francemusique.fr. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook, la page 42e rue, et sur Twitter avec le hashtag 42 rue. Martine Moni, Max Dozolm, José Bernays, Fabien Flora, Laurent Vallière, on vous souhaite un très bon dimanche sur France Musique. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.